pose au creux de mes mains, lors de tes reins. La solitude est tabou, pose au gré des matins, lors de tes seins. L'envie desserre les dessous. De ceux qui s'enlacent, dont l'essence ne s'échange plus. Quoi que le temps fasse, tout l'amour s'efface de ces yeux qui ne se voyaient plus. De ceux qui s'enlacent, dont l'essence ne s'échange plus. Quoi que le temps fasse, tout l'amour s'efface de ces yeux qui ne se voyaient plus.